Eh bien oui, vous êtes à... vous êtes là. C'est l'essentiel. Comme le chantait Ginette Renault, l'essentiel, c'est d'être aimé. Pourquoi je ris, je sais pas. Ben, je tiens à dire aux auditeurs et aux auditrices, si vous entendez des ricanements, c'est dû à mon côté imbécile. Donc, il y en aura beaucoup à Air Enseigne Aldienne au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Hey, tu te sens partir, toi, là? Ah, moi, là, regarde, amenez-en. Monsieur le Président, monsieur les patro-catholiques, mesdames les voluptés, c'est bizarre, il n'y a pas de mouchoir ici qui nous recouvre. Je vais trouver quelque chose. Mais... parce que moi, qui postillonne, ils ont tout en bas. Les patro-catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante. Hey, ça, c'est indépendant. Tellement indépendant, ce gars-là, là, que tu dis bonjour, il te répond pas. Au moins, la radio, tu lui dis bonjour, puis elle te répond, ouais. Il y a une communication qui peut se faire entre les deux. T'as un petit cul boudreau, là, tu lui dis salut, il veut rien savoir de toi. Ce qu'il me dit souvent, c'est hey, « Je connais le rouage humaniste du peuple. » Mais voyons donc, premièrement, le rouage humaniste, il n'y a plus personne qui l'est humaniste. T'en as-tu vu un aider quelqu'un qui était tombé par terre? Ben, hier, hein, il y avait Jacqueline. Il était 3 heures du matin, puis elle ramassait toutes les petites bières à la table de cuisine. Puis à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ça va être le ballonnet que j'avais échappé par terre en buvant ma petite bière, elle a glissé sur le... parce que c'est gros, du ballonnet, là. C'est pas cher, mais ça vaut pas cher. Ah, c'est vrai, ça c'est la viande du pauvre, le ballonnet. Il s'en vend beaucoup au Québec, le ballonnet. On est une société de ballonnets, parce que le ballonnet, qu'est-ce que ça fait? Ça fait engraisser. C'est juste les hommes qui mangent ballonné. Une femme, là, elle demande du ballonné extra maigre. Monsieur le boucher! Attends. Monsieur le boucher! Monsieur le boucher! Hein? Monsieur le boucher! Hein? Mais ça y est, complètement. Débouche-moi ça, monsieur le boucher! Oui! Bon, monsieur le boucher, avez-vous du ballonné extra maigre? Ça n'a jamais existé dans ma vie, moi, du ballonné extra maigre. On cultive le porc. Comment ça? Comme les patates! Pas comme les patates, mais on leur fait manger de la nourriture extra faible en gras. C'est-à-dire des graines. Ah, oh, non, pas d'autres qui mangent des graines. Il y en a-tu au Québec? Mais même partout dans le monde. On dirait que la graine, c'est la nouvelle denrée du prolétaire moyen. Ça mange des graines. Ça mangerait plus de graines, ça décide de manger des graines à un moment donné. Ah, c'est... Alors là, le ballonnet extra-maigre, ça n'existait pas. Ben, ça n'a jamais existé, mon champion. Moi qui fais du ballonnet depuis 28 ans, hein. C'est moi qui, à un moment donné, là, lorsque j'ai fait de la parce que je fais aussi dans le légume. Oh! Vous faites dans le ballonnet dans le légume? Ah ben oui. Regardez-moi, là. Ah oui, vous êtes passablement légumineux. Ah, très légumineux. Alors donc, sur un test, excusez-moi, je suis en train de mourir en direct, mais c'est merveilleux. Les gens aiment ça. Ce qu'ils veulent, c'est voir du monde mourir. C'est pour ça qu'on regarde CNN. Il va y en avoir en direct des gens enflammés sortir d'un feu. Ou des gens tombés par terre dans une discothèque quand le sol s'effondre sur leurs pieds. En fait, tombe, ça brise. C'est un peu comme le spectacle de Jean Leloup au Dauteuil. Je sais pas si vous... moi, je m'en souviens. Je l'aurai dans la mémoire longtemps. Il a dit, pour les gens qui sont de passage au Québec, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui s'intonisent ces KRL, puis ils se disent, qui est Jean Leloup? Même nous, on se le demande depuis 20 ans. C'est qui Jean Leloup? C'est un spectre musical qui chante et qui a quand même le son de son propre son, quoi. Il l'a cultivé comme monsieur qui fait, lui, une rangée de patates. On n'a pas lâché le ballonnet extra-maigre, faites-vous-en pas. Pas encore, on n'est pas dans le délire, ça s'en vient, là. Une rangée de patates, une rangée de ballonnet extra-maigre, une rangée de patates, puis là, à la fin de l'été, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu peux faire un bon repas, ben oui. Ben, un excellent repas avec patates et ballonnet, et je vous conseille de la faire frire dans la poêle. Ben, restez habillé, mais la poêle doit rester nue. Comment ça? Ben, la poêle doit être à poil. Bon, monsieur, qui c'est à poil si tu veux t'étendre? Non, c'est pas ça du tout, lâche-moi le poêle. Ben, en plus, c'est plus la mode, le poêle. Le monde n'en veut plus de poêle. Sur la langue, écoute, enlève-la. Fais-toi raser la langue, mon champion. Me fais raser la langue? Ben, couper, parce que la tienne est de vipère. De vipère. Ben, c'est une langue sale. Fais-moi tremper ça dans le boléro d'eau de Javel, toi. Ouais, tourne-nous aller avec ta langue, l'eau de Javel. Elle va blanchir, puis plus ça blanchit, plus c'est de l'hypocrisie intellectuelle. Et puis dites-vous qu'on se noie là-dedans actuellement au Québec. Puis même partout. Pas juste au Québec, là, faut s'ouvrir au monde. On est rendu universel. Universel. Hey, on veut plus singulariser, là. On veut pas rester dans notre folklore. Au contraire, faut s'ouvrir sur le monde. Hey, s'ouvrir sur le monde. Moi, m'ouvrir comme ça, là, je suis pas capable. Il y a juste des contorsionnistes qui peuvent arriver à ça. Alors donc, bienvenue à l'émission de variété. Et puis, la ballonnée extrêmement, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ben, mangeons, puis laisse-nous tranquille. OK, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Ah ouh, Virginia. Ah ouh, la belle Virginia. Avez-vous déjà rencontré cette dame? Elle habite à Québec. Mais voyons donc, Virginia habite à Québec. Ben oui, ben elle a toujours habité à Québec. Ben, hey, tu nous en comptes de la pipe, toi? Comment? Tu nous la tires, toi, de la pipe? Comment? Tu nous en fais une, toi, une pipe? Comment? Hey, voyons donc! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons des chemins narratifs. Qu'est-ce que tu dis là, lui? Eh, hey, monsieur, je crois qu'on est dû pour une petite trame sonore. Hey, puis j'ai un nouveau, ben pas un nouveau générique, mais j'ai rajouté des voix. Parce que là, c'était juste moi qui les entendais, les voix. Puis là, mon psy m'a dit, hey, c'est vrai, j'ai pas mis de CD. Comment tu veux faire jouer des voix si t'as pas le CD, premièrement? Où est la cartouche? Elle est ici. OK. Hey, le gars fait une émission de radio, il oublie de placer son CD à l'intérieur des merveilleux instruments de ses KRL. Il nous les offre gratuitement, utilisons-les, ils se sont dépouillés de tous leurs attraits. Mon beau lapin roi, nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Ça rafraîchit un peu, hein? Que j'aime ta parure, quand vient l'hiver, oisé guéla. Ah, tu nous rafraîchis, mon rénal, c'est dépouillé de leurs attraits, mon beau lapin roi. Donne-moi les lapines. Ma douce lapine, toi qui rumine. Parce qu'une lapine, ça rumine, hein? Ah, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis bien coiffé? Mon maquillage coule-t-il? Vais-je bien paraître? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier rénal de Gagné. Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas, je me suis étouffé tout seul. Ça t'arrive souvent, toi? Ben oui. Moi, j'ai l'objectif de Molière, c'est-à-dire... Ben, comme disait Molière, je vais la sortir, qu'elle ne sortait pas ici! Non, mais la blague, la citation que moi, je... Ah, OK. Hey, on a eu peur, là, t'es passablement émoussaillé! Je m'émoussaille de pas grand-chose. Ouais, reste dans les broussailles! Oui, c'est mieux, hein? C'est quand les gens me voient... Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est... Alors, donc, qu'est-ce qu'il disait? Non, je sais pas, qu'est-ce qu'il... Jean-Marc, qu'est-ce qu'il disait? Mais je sais plus! Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hey, Clémence! Parce que Clémence Desrochers est comme ça, elle. Quand elle déroge de son monologue, là, elle demande à la coulisse. Mais moi, j'ai pas de coulisse. Coulisse! Coulisse! Coulisse! Arrête de glisser sous la mode de pierre et divulgue-moi où en est-elle! Je sais pas. Aujourd'hui, le samedi, c'était une maudite bonne blague, là, hein? Maudite bonne blague, mais là, on peut pas continuer. J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Aujourd'hui, le samedi 14 août. Hey, c'était il y a quelque temps. Ben, hier. Quelque temps. Hey, 14. On était le 13. Oh, 14. Ouais, oui, après le 13, c'est le 14. Hey, lâche-moi, toi, là. Est-ce qu'après le 13, c'est le 14? On va demander au savant, Monsieur Bilopage. Monsieur Bilopage. Monsieur Bilopage. Ben, lui, il est coincé dans le. Est-ce qu'après le 13, c'est le 14? Selon le biorhythme roman. Hein, que nous cherchons depuis 2500 ans, et que nous avons trouvé sous une appellation incontrôlée. Incontrôlable! Incontrôlable, merci de me reprendre, parce que moi, je ne suis pas que savant. Vous êtes quoi? Je suis qu'un homme. Rien qu'un homme, et je m'en vis, et je m'en défends. Elle le sait bien, cette poltronne, qui rêve toujours et toujours autant. Mais qu'on me pardonne... Me pardonne. Oui, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, on veut savoir qu'aujourd'hui... Ah oui, après le 13 et 14. Pourquoi après le 13 et 14? Ah ben, c'est très simple, hein? Il y a eu une illumination. Hey, il y a une lumière au bout du tunnel. Après le 13 et le 14, c'est normal. Allez-y, monsieur. Ben, nous, hein, nous avons fait des recherches avec Sigmund Freud. Oui. La psychanalyse. Oui. Simone de Beauvoir? Non, c'est pas de Beauvoir. Ah, de Beauvoir aussi. Il y a de Beauvoir, de Beaufoir, ça et foire, ma belle poire. Et de Beauvoir, oui, de Beauvoir. Et Jean-Paul Martre? Non, c'est Sartre. Ben, Jean-Paul Sartre. Et saviez-vous, mon cher ami, avez-vous déjà visité le Père Lachaise? Non, mais j'ai été souvent entre deux chaises dans ma vie. Errance rénaldienne, hein, il ne sait plus où il se situe dans la hiérarchie radiophonique. Moi, je vais vous le dire, hein, c'est dans le milieu. Ouais, dans le milieu, est-ce que c'est bien? Ben, c'est la norme. Oh, non, on veut jamais être dans la norme, nous. Oh, là, on n'aime pas ça. Monsieur qui? Monsieur l'enfoiré? Non, pas du tout. OK. Mais moi, je vous catalogue, vous êtes un monsieur enfoiré. Ben, enchanté, hein. Alors, c'est ça, après 13 et 14, c'est la numérologie. Oh, ouais, moi, je suis né le 2 juin. Très mauvais. 67? 67, très mauvais aussi. 67, ça fait quoi? Ça fait, j'ai 28 ans. Moi, je mettrais aux endanges mentales. Oui, d'accord, merci. Mais 28 ans, c'est quoi 28 ans? Ben, je sais pas, moi, c'est vous qui sortez ainsi des nombres. Sont-ils père ou impair? Ben là, mon père, je vous salue, Marie, pleine de grâce, on ne le sait pas. Mais on va quand même dire qu'errance rénaldienne, parce que nous sommes le 14 après le 13, selon moi. Ça restera toujours le 14. L'errance rénaldienne présente plus de routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et je tiens à dire aux auditeurs et aux auditrices que lorsque je me suis levé il y a quelques minutes avant de venir faire mon émission, parce que je fais un petit somme, mais un somme quand même de presque 5 heures quand même. C'est quoi? C'est je meurs et je ressuscite. Je meurs et je ressuscite. Mais c'est lorsque je me suis levé, je ne me suis pas brossé les dents avec de la pâte à dents. Oh, ben voyons, avec quoi tu t'es brossé? Avec quoi? Avec de la colle à prothèse dentaire. Oh! Pourtant, t'as pas la bouche collée? Non, mais j'ai essayé de la décoller. Avec quoi? Ah, ben là, j'ai essayé avec, comme je disais tout à l'heure, de l'eau de Balel, le boléro d'eau de Javel, et ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai dit, ma tante Germaine, qu'est-ce qu'elle faisait, ma tante Germaine, quand tout collait dans son appartement était gommeux, elle prenait du caribou. Ben voyons donc, toi, du caribou, mieux connu ici, ben ici c'est le caribou, mais ailleurs, ils appellent ça de la... Comment t'appelles ça, donc, c'est espagnol, là? Eh ouais, ça, l'espagnol! On sait plus. Mais j'en ai mis. Ça a pas juste décollé la colle à prothèse. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a décollé mon cerveau. OK! Ben ça, on le savait. Alors donc, et pour nous envelopper dans un atmosphère narratif, unissons-nous pendant le reste de la saison estivale autour des artistes que j'ai rencontrés lors de mon passage à Paris. À la fin de chaque rencontre, je clôturerai mes entretiens par 10 questions. L'intégralité de nos discussions vous seront présentées à la rentrée de... à la rentrée. Cet avant-goût vous incitera, à la rentrée. Non, c'est bien, mais Rénal, t'avais l'air comme normal, là. T'étais dans la normalité, tu faisais comme de la radio traditionnelle. C'est ce qu'on veut pas ici, errance rénaldienne. Le traditionnalisme nous tue. Comme la société en général. Cet avant-goût vous incitera à connaître le microcosme de ces artistes. Pour le temps d'un rendez-vous, ils s'abandonnèrent et des confidences. Parce que là, j'ai inventé là, des confidences, se sont pointées à l'horizon. Et tour à tour, vous avez entendu Jean-Claude Dreyfus, Agnès Bill. Aujourd'hui, c'est Anne-Sophie Charon, la fille tout attachée. Ça, c'est son nom d'artiste, lorsqu'elle est chanteuse. Je suis chanteuse, tout attachée. Elle est tout attachée. J'ai pris soin de bien l'attacher. Et croyez-moi, elle est ficelée à errance rénaldienne.

on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire. Tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut, il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Antonaire. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Eh bien, ce bordel, c'est très simple, Monsieur Galabru, parce que c'est lui. C'est lui, Monsieur Galabru. C'était cette voix qui disait, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours, mais qu'est-ce que c'est? Avant tout ça, c'est de l'amour, mais qu'est-ce que c'est? Une histoire de tous les jours, mais qu'est-ce que c'est? C'est une trace d'amour, sur la toile nocturne, une fille surdosée réclame un instant, un moment de normalité dans son existence désarticulée. Il faut... Et là, en plus, j'ai écrit ça à la main, et il y a pas si longtemps, et il était très tard. Et... Il faut rendre à la bizarrerie ce qui est bizarre. Les prostituées qui proposent leur entité polluée. Et quand je parle de prostituées, c'est les prostituées de rue et non pas les hôtesses. Ou les escortes, appelez-les comme vous voulez. Il y a des pas chers et il y a des chers. Si vous êtes prêt à payer, vous en avez pour votre argent. Les voleurs à main armée, désarmés de mots. Les junkies qui s'injectent de faux projets de liberté. Les connards de fin de bar qui trop tard vomissent leur animalité à chaque pouce carré. Les intellectuels de fond de ruelle qui puisent à la truelle l'assèchement de leurs connaissances. Ou bien la jeunesse sans éthique qui extirpe le bien commun pour assouvir leur individualisme primaire. Et l'observateur, épuisé par l'ampleur de l'horreur. Là, j'avais écrit une autre fin. Qui est comme cela, et je vous le fais, et l'observateur, épuisé par l'ampleur de l'horreur, à contempler une société prête à jeter, souhaite un gramme d'humanité à chaque citoyen de cette sphère perdue dans l'univers. Parce que fondamentalement, nous sommes quoi? Ben moi, je vous dis que nous sommes un océan dans... Un océan. On est une mer. Une mer épuisée et asséchée. Oh! Tu te prends pour Shakespeare? Non, je me prends... Je me prends pour rien. OK, pour qui? Pour rien. Je me prends pour rien. Tu te prends pour qui, toi? Je me prends pour moi. Ah, ben ça, c'est déjà beaucoup. Errance Rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme. Ou dîner qui? Un dynamisme. Ah, je pensais que c'était un dîner. Un dîner de con, ouais! On a fait un dîner de con à l'américaine. Il faut vraiment... Moi, ça me fait plaisir. Un dîner de con à l'américaine, ça prouve que les États-Unis sont des imbéciles, des triple cons! Obama n'a pas sauvé la médiocrité intellectuelle! Bien au contraire! C'est pas parce que vous avez quelqu'un au pouvoir qui essaye de remettre d'espoir dans une société que les autres vont suivre, surtout les artistes! C'est pas toutes des Bob Bedden! Des qui? Des Bob Bedden, Bob Bedden, Blow in the... C'est pas Bob Bedden, c'est Bob Dylan. Ben Bob Bedden, parce qu'il chante depuis... l'as-tu vu, il y a 3 mois? Non. Il chante en Bedden. Ben y'en a, il se prend-tu pour un hip-hop, lui? Imagine-toi, Blow in the wind... Oh, the wind. Ça, c'est Tom White. Oh, and the wind. And the wind. Ou de Hugo Frey qui reprend des chansons de Bob Dylan. Souffler dans le vent. Oh, j'aime souffler dans le vent. Oui, il est temps, parce que je suis grand, de reprendre Wind the Wind. Et monsieur. Sous les chemins, de vent en ventant, je me fais vanter tout en chantant. Hey, c'est la tornade, ça. La tornade Bob Dylan. Hey, moi, je verrais facilement, là, Hugo Frey en première partie et Bob Dylan en deuxième. Ah, c'est d'avant. Cette émission de variété vous présente une vérité, c'est une vision singulière de votre errant rénaldien. Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité et la création improvisatrice voltigent à travers les circuits cybernétiques. Vous voulez encore un peu de Bob Dylan? J'ai pas amené ma guitare! Hey, je voulais en amener une. Parce que là, j'ai un personnage qui va arriver dans quelques minutes et j'ai pas ma guitare. Oh, tu joues de la guitare? Ouais, souvent. Surtout entre 2h et 2h30 du matin, là. Ah, ça me gratte, là. T'es pas un musicien? Non, j'ai jamais été musicien. T'as jamais joué? Non, j'ai jamais joué. Jimi Hendrix non plus, c'est pas un musicien. C'est un bourlingueur sonore. Oh, un bourlingueur! J'ai pas dire... non, c'est Jimmy.